je n'évadais pas vous, mon amour. Avant de voir vous, mon amour. Ne vous déplaisez en dansant la javanaise. Nous nous aimions les temps d'une chanson. À votre avis, que n'avons vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez dit, mon amour. Ne vous déplaisez en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Ma vie à l'amour, j'avais des buts, cet amour. Ne vous déplaisez en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne va d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour.